Je me sens pas trop prêt à faire un truc improvisé sur le Molotov. C'est nauséa. Je suis un imposteur. Oui, je suis un imposteur. Je suis un imposteur, mais je saute de chance de face comme du pain sortant d'un toaster. J'en paye pas les impôts, aster, acteur de ma propre comédie. Je suis un imposteur du lundi au samedi. Ça te dit d'être un gros coup conscient de sa maladie. Cesse de me parler de ça, cesse de me parler de si. La description de ta personnalité manque de précision. Tu squattes mes sillons neurologiques. J'en peux plus, donne-moi des antalgiques. Et gicle de là, tu me files de l'asthme, tu es vide de l'âme. Moi non, je ne fais pas de slam, mais si tu veux, je te salame. Ou encore, je te shabbat shalom, je m'en bats les couilles. Je fume des chillums toute la journée. Je sais que je me gratte le nez, mais je suis en improvisation. Prêt pour la stigmatisation. Prêt pour la stigmatisation. Tes têtes honnêtes avec question débile, je te fais la fête. Et tes textes débiles n'ont pas de tête, tu les croyants. Et moi le prêtre, tu es l'élève et moi le maître. Mes lyrics te font l'effet d'une flèche dans ta tête et te permettre d'avoir la cote. Et me boycott, c'est pas le bon plan pote. Tu vas te faire carotte par mon pistal de coyote. Que j'aligne à l'aise, tant que ton bas c'est comme Bambi contre Golgo 13. Je te baise lyricalement, musicalement. Je suis pas trop pro, musicalement. Je suis plus de poisson qui t'évente, qui te mène jusqu'à l'antre où tout se passe dans l'ombre. Où toutes les façons combloues, la seule boisson est le houblon. Tu peux oublier, si tu veux régler tes comptes à coups de doublon. Tes têtes ou les têtes, mais ils sont des biches. Je te fais la fête et tes textes, des billes n'ont pas de dette. Je les voyant et moi le prêtre, tu es l'élève et moi le maître. Mes lyrics te font l'effet d'une flèche dans ta tête et te permet d'avoir la côté me boycott. C'est pas le bon plan pote. Tu vas te faire carotte par mon pustal de coyote. Que j'aligne à l'aise. Toi contre moi c'est comme Bambi contre Golgo 13. Je te baise lyricalement, musicalement. Je suis pas ton pro musicalement. Je suis plutôt poisson qui t'évente, qui te mène jusqu'à l'entrou. Tout se passe dans l'ombre. Toutes les passes sont con. Ouais je sais que je l'ai déjà dit. Mais tu sais quoi, il y a petit doigt. Mon petit doigt m'a dit de sa petite voix. Vive de toute ta musique, tu le petit voix. Dans ces catacombes c'est les gâtons. Mais qui m'ose les gâtons dans ce bis. On les brise. J'intériorise toutes mes crises. Mais toutes mes prises doivent être effectuées en toute maîtrise. Je suis prêt à m'exposer à de graves dégâts, mais gars, si on m'équipe pas grave, je dégage. Si on m'équipe pas grave, je dégage. Mais avant, je fais une petite dédicace à mon voisin. Monsieur Leleu, c'est mon voisin. Malheureusement, il est plus voisin de la créature que de l'humain, vu sa gueule le. Malheureusement, les filles pour le voir ne font pas la queue le. Même sa poupée gonflable ferme ses yeux lorsqu'il accorde son quart d'heure sensuel. Il la reçoit de façon mensuelle. Pour elle, c'est trop rustique. L'aimer un autre chevalier frustré pour la lustrer. Mais retourne-moi à la thèse de base. Ce type est naze. Il est né de la compilation entre Gollum et une strasbourgeoise. Quand je rappe, je te dois. Pas, je ne te déteste pas, je ne te teste pas. Yo, j'essaye de poser. Ignorance me sauve peu grâce à l'erreur dans laquelle je suis. Je vibre, je rippe, dans ma tête il pleut. Des questions existentielles qui transforment mon esprit en lac artificiel. Stagnant, serment dans le ciment du mal-être. Par vertu, réveille par nature, je me torture. Jamais su sur mes plaies, ça me déplaît pas, ça m'effraîche pas. Ailleurs, je vois le cavaleur des concerts. Tant à des concerts, je tente de trouver la vérité.